Thank you. Thank you.

Économiser jusqu'à 75% d'un arrière-poids. Je te mets la batterie pour avoir. Et c'est un peu mou. Thank you. Thank you. la situation. D'accord. À tard.